بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer ensemble la traduction de la traduction résumée de l'intervention du Cheikh Arafat al-Muhammadi حفظه الله تعالى. L'intervention qu'il a traitée hier concernant la pudeur. L'intervention d'hier concernant la pudeur. Le Cheikh Arafat, hafizahullah, il a cité que la législation nous a ordonné d'adopter un bon comportement. Car il y a en cela une purification de l'âme. Et certes, celui qui fait ceci, donc celui qui adopte un bon comportement, ceci est une preuve que cet individu s'efforce de purifier son cœur. Le Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah, il nous a cité vendredi quatre principes fondamentaux, quatre principes essentiels liés au bon comportement. Le Cheikh Arafat al-Muhammadi, hier, il a cité donc ces quatre mêmes principes, ces quatre mêmes points qui sont donc tout d'abord à sobre, l'endurance. Car certes, l'endurance nous permet, donc la patience et le fait d'endurer, cela nous permet de supporter les difficultés. Une personne qui est injuste envers nous, nous devons avoir un bon comportement et ne pas répondre avec injustice. Et pour cela, nous avons besoin de sobre, nous avons besoin de patience. Et il est important de ne pas répondre au mal par le mal, comme nous l'avons vu avec le Cheikh Abdullah al-Bukhari. Et le deuxième principe est l'iffa. Le fait de se préserver, de tomber dans tout ce qui est blâmable. La personne va donc s'éloigner de toute turpitude, des péchés, de la médisance, de la fornication. Et cela s'appelle Al-Iffa. Et Al-Iffa, certes, les méchères, ils nous ont dit que cela est lié à Al-Haya, la pudeur. Car c'est la pudeur qui va faire que l'individu va s'éloigner des péchés, s'éloigner des turpitudes, comme on le verra, inshallah ta'ala, quand on va expliquer la pudeur. Parmi les quatre points fondamentaux qui sont liés au bon comportement, nous avons le courage. Car certes, le courage nous permet d'avoir un bon comportement et de dire et de faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Car celui qui délaisse la prière par crainte de son patron ou par crainte d'une créature, cela n'est pas un bon comportement. N'oubliez pas qu'il faut le bon comportement envers les créatures d'Allah, mais tout d'abord, il faut le bon comportement envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, il faut du courage pour avoir le bon comportement. De la même façon qu'il faut du courage pour mettre les gens en garde contre le danger. Car les gens, lorsque tu leur mets en garde contre le danger, contre un innovateur, ils vont te blâmer. Ils vont te critiquer. Et pourtant, tu as un bon comportement envers eux, car tu leur montres ce qui est bien pour eux. Et tu leur interdis ce qui est un mal pour eux. Mais il faut du courage. Nous avons aussi parmi les principes fondamentaux liés au bon comportement, nous avons l'adl, la justice. La justice permet à l'individu d'adopter un bon comportement, de ne pas exagérer et de ne pas faire preuve de négligence. Tu dois toujours rester dans le juste milieu. Lorsque tu parles, il faut que tu sois juste. Même si tu parles sur un innovateur, même si tu parles sur un polythéiste, il faut que tu sois juste. « Wa idha kultum fa'dilu » Lorsque vous dites quelque chose, alors soyez juste. Et donc, il est impératif aux chers frères qu'on fasse attention à ces quatre points fondamentaux qui sont liés au bon comportement. Et le Cheikh Arafat, hafidhahullah, il nous dit, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que nous voulons, le sujet que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est la pudeur. Et certes, la pudeur est un caractère grandiose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plus pudique que la femme vierge dans sa demeure. La femme vierge dans sa demeure, celle qui ne connaît pas encore les hommes, celle qui est encore timide. Les compagnons, elles nous disaient, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait plus de pudeur que la femme vierge dans sa demeure. Lorsqu'il n'aimait pas quelque chose que faisaient ses compagnons, alors il ne parlait pas par pudeur, mais son visage changeait. Le fait qu'il n'aimait pas cela se voyait sur son visage, sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, il y a une femme, comme dans Sahih al-Bukhari et Muslim, qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se purifier de ses menstrues. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré qu'elle doit prendre donc un coton et ensuite se purifier avec. Dans certaines narrations, donc un coton avec du musc et ensuite se purifier avec. Alors cette femme, elle a dit, et comment je me purifie avec? Comment est-ce que je me purifie avec, ô messager d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par pudeur, il ne lui a pas expliqué comment purifier ses parties, donc avec ce chiffon ou avec ce morceau de coton. Mais il lui a dit, subhanallah, tatahari biha. Subhanallah, purifie-toi avec. Par pudeur, il ne lui a pas expliqué comment faire. Et c'est là, c'est Aïcha radiallahu anha qui l'a prise en privé, qui lui a expliqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était très pudique, il n'accomplissait pas ses besoins devant tout le monde comme cela, mais il s'éloignait et se cachait pour faire ses besoins, sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, le fait d'uriner devant tout le monde. Et même, j'étais choqué lorsque je suis allé en Belgique, j'ai vu des urinoirs en plein air, en plein centre-ville, comme ça, devant tout le monde. J'étais choqué. Et donc, nous devons faire preuve, aux chers frères, de pudeur. Ne pas montrer aux gens ce qu'ils n'ont pas à voir. Et en fait, la pudeur, aux chers frères, c'est un caractère qui va pousser l'individu à délaisser tout ce qui est blâmable. Et qui va aussi pousser l'individu à délaisser toute forme de négligence quant au droit, c'est-à-dire quant au droit des autres, ou alors quant à ses devoirs. Donc la pudeur, c'est un caractère qui va pousser l'individu à délaisser tout ce qui est donc blâmable, mais qui va aussi pousser l'individu à délaisser toute forme de négligence concernant ses devoirs. Ses devoirs envers Allah tabaraka wa ta'ala et ses devoirs envers les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, on le verra plus en détail dans quelques instants, incha'Allahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, la pudeur est une branche de la foi. Et donc, la pudeur étant une branche de la foi, la pudeur fait partie de la foi. Nous devons donc accorder de l'importance à ce sujet. Oh, toi qui es un croyant, il n'est pas normal que tu n'accordes pas d'importance à la pudeur. Il y a un homme qui blâmait son frère parce qu'il le trouvait trop pudique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Da'hu, laisse-le. Fa inna al-haya min al-iman. Laisse-le car la pudeur fait partie de la foi. » Ce sujet est donc un sujet important, ô chers frères, ô chères sœurs. Nous ne devons pas le négliger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, « Idha lam tasta'yi fasna' ma shi'it. » Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Celui qui n'a pas de pudeur, il ne regarde pas ce qui est mal, ce qui est bien, ce qui est licite, ce qui est illicite. Mais il fait tout ce qu'il veut, sans pudeur. Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Cela n'est pas une permission. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre ce caractère, le manque de pudeur. Il nous met en garde contre cela, contre le fait de tomber dans ses agissements, le fait de faire ce qu'on veut sans prendre en compte la différence entre le bien et le mal. At-Tirmidhi, il a cité dans son Jami'a, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Istahyu min Allahi haqq al-haya, faites preuve de pudeur envers Allah, comme il se doit. Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit, alors, nous dîmes, ô messager d'Allah, certes, nous avons de la pudeur, alhamdoulillah. Nous avons de la pudeur, alhamdoulillah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, laysa dhak, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cette pudeur-là. Walakin al-istihya min Allahi haqq al-haya an tahfaz ar-ra's wa ma wa'a. Cependant, la pudeur envers Allah, comme il se doit, c'est le fait que tu préserves la tête et ce qu'elle contient, ainsi que le ventre et ce qu'il contient, et que tu te rappelles de la mort et de la situation dans la tombe. Et celui qui veut l'au-delà délaisse les délices de ce bas monde. Celui qui fait cela aura certes fait preuve de pudeur envers Allah comme il se doit. Allahu Akbar. Expliquons ce hadith maintenant, les frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à ses compagnons, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela, c'est-à-dire ne pense pas que la pudeur, c'est juste le fait de ressentir une gêne que les gens te voient donc dénudé ou autre. Une gêne de parler en présence de ceux qui sont plus âgés que toi, de les précéder, etc. Ce n'est pas que ça la pudeur. Mais la pudeur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que tu préserves la tête et tout ce qu'elle contient. Qu'est-ce que la tête contient? Elle contient les yeux, la bouche, les oreilles. Tu dois donc préserver tes yeux de tomber dans l'illicite. Ne regarde pas des choses illicites. Tu dois préserver tes oreilles d'entendre des choses illicites. N'écoute pas des choses illicites. Tu dois préserver ta bouche de prononcer des choses illicites. Et donc ne dis rien d'illicite. Ceci, c'est la pudeur. Le fait de préserver ton ventre. Ne laisse pas rentrer dans ton ventre ce qui est illicite. Ne laisse pas rentrer dans ton ventre ce qui est illicite. Et rappelle-toi de la mort. Rappelle-toi de ta situation dans ta tombe, car certes, le fait que tu te rappelles de la mort, le fait que tu saches que tu vas mourir, cela t'aide. Cela t'aide pour délaisser les péchés, pour délaisser ce qui est interdit, car tu sais que tu dois te préparer pour ce moment inévitable. Voilà pourquoi elle nous dit sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui veut l'au-delà, il délaisse les désirs de ce bas monde. Parce qu'il veut les délices de l'au-delà, les délices qui perdurent. Celui qui fait cela, c'est lui qui a fait preuve de pudeur envers Allah, comme il se doit. Ce hadith est très important, oh chers frères, oh chères sœurs, c'est très très très important. Aujourd'hui, nous voulons faire preuve de pudeur envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré comment faire. C'est à nous de suivre. Il y a énormément de versets durant lesquels Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous appelle à la pudeur. Parmi ceux-ci, il y a sa parole, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous dit « Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alayhinna min jalabi bihin » ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ô prophète, dis à tes épouses ainsi qu'à tes filles et les filles des croyants qu'elles rabattent sur elles leur voile, qu'elles rabattent sur elles leur voile. Cela est meilleur afin qu'elles soient reconnues, afin qu'elles soient reconnues. Et qu'il ne leur soit pas fait de tort. Lorsque la femme a son voile, alors certes elle est reconnue. Les gens, ils voient que cette femme, c'est une femme qui cherche la pudeur. Et donc les gens qui ont des maladies dans leur cœur, ils ne vont pas chercher à lui faire du tort comme ils le font aux femmes. Ces femmes... Donc, qui sont habillés avec des tenues serrées ou d'autres, et que des hommes vont venir les aborder pour avoir, pour obtenir d'elles certaines choses, ces hommes, ils vont faire du tort à ces femmes. Pourquoi ils vont leur faire du tort? Parce qu'ils ont reçu un appel. Cette façon de s'habiller les a appelés. Tandis que lorsque cette femme, elle a ce voile sur elle, elle ferme la porte à cela. Et c'est pour ça que ce voile est tant détesté à notre époque. Parce que les gens, ils veulent voir les femmes dénudées. Voilà ce qu'ils veulent. La femme, ils nous disent le respect de la femme, le respect de la femme. Mais en réalité, cette femme n'est devenue à notre époque qu'un morceau de viande que les gens vont acheter chez le boucher, un morceau de viande à regarder et à déguster. Voilà la valeur de la femme, selon beaucoup d'hommes aujourd'hui. Mais l'islam élève cette femme et la protège avec la pudeur. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Kullil mu'minin yaruddu min abasarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un. Dit aux croyants qu'ils baissent leur regard, qu'ils baissent leur regard et qu'ils préservent leur partie. Cela est plus pur pour eux. Certes, Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Remarquez, oh chers frères, que ici, Allah tabaraka wa ta'ala a cité le fait de baisser le regard. Et juste après, il a cité le fait de préserver les parties. Car le fait de baisser le regard va nous aider à préserver les parties. Si tu es tout le temps là avec le regard levé, hein, regarder à droite, à gauche, tu regardes. Que va-t-il se passer par la suite? Forcément, tu auras ce désir. Tu dois donc baisser le regard. D'ailleurs, ça me rappelle une règle qu'on avait lorsqu'on faisait... Donc, lorsque j'étais en études de commerce, il nous disait, plus c'est vu, plus c'est vendu. Plus c'est vu, plus c'est vendu. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup de publicité. Parce que les gens, à force de voir, à la fin, ils achètent. Tu rentres dans le magasin, à l'entrée, on te montre déjà des photos de produits que tu dois acheter. Cette photo, tu la vois 4-5 fois dans le magasin, jusqu'à, au final, tu l'achètes. Parce que plus c'est vu, plus c'est vendu. Et donc, oh chers frères, nous devons faire des efforts sur nous-mêmes pour baisser le regard. Nous devons faire des efforts, oh chers frères et sœurs, afin de préserver nos langues. Que si nous parlons, alors nous devons dire du bien. Nous ne disons que du bien. Pourquoi ? Parce que la pudeur n'entraîne que le bien. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si tu fais preuve de pudeur, tu ne dois prononcer que le bien. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: Ya ayyuhal ladhina amanu, kulu min at-tayyibat, kulu min tayyibati ma razaqnakum, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oh vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons accordées, c'est-à-dire les choses licites que nous vous avons accordées, et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Et donc nous devons faire attention à ce que nous mangeons, chers frères. Fais attention, assure-toi que ta nourriture soit licite. Ne fais pas preuve de négligence. Aujourd'hui, les gens, ils voient quelque chose, ils voient tout de suite, ah, c'est halal, inshallah. Pourquoi ? Parce que c'est bien sucré, c'est bon. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on mange. Et aussi, la personne qui fait preuve de pudeur, fait attention à ne pas demander aux gens de l'argent. Comme on voit à notre époque, tu finis ta prière, tu commences tes adhkar à la mosquée, et direct, à peine avoir commencé tes adhkar, il y a quelqu'un qui se lève derrière. Oh cher frère, donnez-moi de l'argent, je suis dans le besoin, et si, et ça, et ça. Nous devons faire preuve de pudeur. Ce n'est pas comme cela que les choses se font. Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui ne demandent pas de l'argent. Ta'rifuhum bisimahum. Tu les reconnais avec leurs caractéristiques. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Ils ne demandent pas aux gens par pudeur. Par pudeur. Et certes, la pudeur a des conséquences grandioses. La pudeur a des conséquences grandioses. Mais aussi, il y a des causes qui font partir la pudeur. Parmi ces causes qui font partir la pudeur et qui la font disparaître, il y a la baisse de foi. Comme on a dit tout à l'heure, la pudeur fait partie de la foi. Et donc forcément, plus la foi de la personne va baisser, plus cela va être une grande cause de disparition de la pudeur. Et quelles sont les causes qui font que la foi va baisser ? Les péchés. Les péchés. Voilà pourquoi Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit que parmi les sanctions des péchés, le fait d'enlever la pudeur. Parmi les sanctions des péchés, le fait que la pudeur soit enlevée. Et certes, la pudeur tout entière est un bien, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih Muslim. Et donc, on comprend quoi de là, oh chers frères ? Que la disparition de la pudeur implique la disparition d'un grand bien. Comment peux-tu accepter que la pudeur soit enlevée de ton cœur ? Et parmi les causes de disparition de la pudeur, nous avons les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations sont des causes qui vont faire disparaître la pudeur. Car ces mauvaises personnes vont t'inciter à faire de mauvaises choses, à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu vas faire preuve, tu vas donc avoir un manque de pudeur. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu n'aies plus de pudeur. Parmi les causes qui entraînent la disparition de la pudeur, il y a le fait de délaisser l'ordre du bien et l'interdiction du mal. Cela entraîne, ô cher frère, la disparition de la pudeur. Car la pudeur louable, c'est la pudeur qui n'entraîne que le bien. Et donc, si tu te tais, est-ce que cela entraîne du bien ou du mal? Cela va entraîner du mal. Tu vois les gens qui font du mal et tu te tais. Et donc les autres vont croire que cela est correct. Ils vont le faire aussi. Ton silence aura donc été une cause de la propagation du mal. Or, la pudeur n'entraîne que le bien. Et donc ici, ceci est une cause qui fait, qui va diminuer la pudeur. Et certes, hier en créole, j'ai cité l'exemple de la Martinique, où nous avons donc certes les beaucoup d'alcool, beaucoup donc de les gens qui vont danser le zouk, etc. La fornication, comme nous l'avons aussi en France. Mais le problème, c'est qu'en Martinique, il y a beaucoup de chrétiens. Et certes, cela, c'est interdit chez les chrétiens aussi. Mais comment ça se fait qu'ils le font? Nous devons nous interroger quant au silence des prêtres. Le fait qu'ils se sont tus, cela a entraîné la propagation du mal. Et le fait que les gens, même les chrétiens, ils ont trouvé tous ces péchés tout à fait banal. C'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les prêtres qui mettent en garde contre ça. Attention, attention, attention. Non, peut-être aller les mettre en garde une fois, comme ça, vite fait. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut montrer aux gens le danger de ce genre de péché. Attention, c'est une cause qui peut vous entraîner en enfer. Non, non, c'est bon. Jésus, de toute façon, il s'est sacrifié pour nous. Et blablabla, et blablabla. Ça entraîne quoi ? Le fait que la propagation du mal... Et donc le silence, le fait de se taire et de ne pas ordonner le bien et de ne pas interdire le mal, cela entraîne la diminution de la pudeur. Nous avons aussi les sites internet. Tout ce que nous voyons actuellement sur les sites internet, tout cela entraîne aussi la diminution de la pudeur. Nous devons faire attention à ce qu'il y a dans nos téléphones. Mais aussi l'ignorance. L'ignorance entraîne la disparition de la pudeur. Car tu ne sais pas quand est-ce que tu dois être pudique ou pas. Tu ne sais pas dans quelle situation et comment tu dois être pudique. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui est licite. Tu ne sais pas ce qui est illicite. Et donc tu fais comme ça. Et donc il est important, mon cher frère, que l'on apprenne notre religion. La mixité aussi. Faites attention. Nous devons faire attention au travail que nous avons. À force de se mélanger comme ça, une fois, deux fois, trois fois, au début on dit non, c'est pas grave, Malich. C'est juste une fois comme ça. Bonjour Sandrine, bonjour Fatima, ça va la baisse, etc., etc. Jusqu'à ce qu'en par la suite, hein, on dépasse les limites. Il faut faire attention à délaisser ce danger. Car le shaitan ne vient pas à toi directement en te disant « Va forniquer !» Mais c'est petit à petit que les choses se font. Nous avons aussi, parmi les choses qui entraînent la disparition de la pudeur, nous avons la musique. La musique qui va faire que les gens vont se mélanger, danser ensemble, etc. La pression qui va monter. Et on connaît bien ce genre de choses en Martinique. Et donc, la musique est une cause qui va faire disparaître la pudeur. Nous devons faire très attention. Et donc, voilà un résumé, aux chers frères, de ce que le Cheikh Arafat al-Mohammadi Hafidahullah Ta'ala a cité dans son intervention d'hier